C'est très dur au départ. C'est la première chanson qu'on apprend quand on est petit et qu'on veut jouer de la guitare.